Merci Marie-Hélène. 19h30, c'est maintenant le magazine d'archéologie de France Culture, le Salon Noir. Asie moyenne et Europe s'opère aujourd'hui une des plus vastes migrations de notre histoire récente. Rassurons-nous, les grandes vagues migratoires ne sont pas le propre de nos temps contemporains, loin de là. Pour illustrer ce phénomène, les relations entre autochtones et allochtones, le choix du Salon Noir s'est porté sur la plus extraordinaire aventure maritime entreprise par une société traditionnelle. Partie de Taïwan à la conquête de l'océan Pacifique et de l'océan Indien, atteignant Madagascar, la Nouvelle-Zélande, Hawaï et l'île de Pâques, avant de toucher probablement le continent américain. Christophe Sand, directeur de l'Institut d'archéologie de la Nouvelle-Calédonie et du Pacifique, travaille depuis plusieurs décennies sur cette expansion, l'épopée austronésienne. De passage à Paris, je l'ai rencontré lors d'un colloque consacré à l'histoire des migrations. Christophe Sand, tout commence sur une plage de sable gris en terre kanak. Effectivement, on pourrait dire qu'archéologiquement, tout commence en juillet 1952, où un vieil archéologue américain à moitié sourd, avec son jeune assistant, décide de fouiller un site qu'il a numéroté le site numéro 13, sur la presqu'île de Fouet à Koné, sur la grande terre de Nouvelle-Calédonie. Et il va y mettre au jour des poteries très décorées, qui ont été déjà repérées, ça fait 50 ans ou même plus qu'on connaît ce site-là, mais 1952, on peut utiliser pour la première fois le carbone 14. Même s'il est vieux, il s'est renseigné avant, il vient de Berkeley, il s'est renseigné sur cette nouvelle technique révolutionnaire à l'époque, bien entendu, et il envoie un certain nombre de gros charbons qu'il a découverts, et le résultat qui revient, c'est environ 800 avant Jésus-Christ. Et pour l'histoire du Pacifique, ce résultat est absolument révolutionnaire parce que personne pouvait imaginer qu'il y ait eu des gens dans le Pacifique depuis aussi longtemps. Lapita est désormais le nom d'une des plus grandes aventures de migration d'ouest en est, absolument considérable. C'est l'épicentre, on va dire ça comme ça, d'un mouvement de population qui en fait a fini par concerner un espace géographique qui va de Madagascar d'un côté, c'est-à-dire la porte de l'Afrique, à l'île de Pâques de l'autre, c'est-à-dire la porte de l'Amérique du Sud, qui couvrait donc plus de la moitié de la surface de la Terre. Ce mouvement est, commence un petit peu plus tôt. C'est le mouvement en fait des locuteurs de langue austronésienne et ces locuteurs d'île en île, parce que c'est des langues qui se sont réparties principalement sur des îles, ont couvert plus de la moitié de la planète et sont donc le groupe linguistique le plus étendu du monde avant l'expansion européenne. Christophe Sand, que veut dire Lapita ? Alors, de façon tout à fait étrange, le mot Lapita a été écrit par le vieil archéologue Monsieur Guy Ford et il était à moitié sourd, il avait un sonotone. Et donc, à la fin de la fouille, il a demandé au Kanak de la tribu de Bako qui avait fouillé avec lui, cet endroit, il s'appelle comment ? Et les gens lui ont dit Rapeta. Et lui, il a écrit, on a son cahier d'origine, on a l'invention du mot, il a dit « The name of this place was Lapita ». C'est comme ça qu'on invente un mot archéologique. Et il nous a fallu énormément de temps pour savoir quel était le nom d'origine autochtone en langue haveke. Et la traduction, c'est « l'endroit où l'on creuse, l'endroit où l'on fait des trous ». Alors on s'est tout de suite dit, ça doit être encore une blague kanak. Et puis en fait, non, tous les vieux qu'on a interrogés, ils nous ont dit, non, c'est un vieux nom, mais en fait, c'est faire des trous pour pouvoir planter les ignames. Et effectivement, sur le site, jusqu'au milieu des années 1990, il y avait des grands billons d'ignames, et probablement le nom vient de là. Quel est le point de départ de cette expansion invraisemblable ? C'est le sud-est de la Chine. Il y a à peu près 6000 ans, on a une néolithisation du continent et on a ces groupes qui sont céramistes, qui produisent des pierres polies, qui cultivent probablement principalement le riz et qui inventent la pirogue à balancier. Alors vous allez me dire comment on sait qu'il y a une pirogue à balancier? Ben, tout simplement parce que les travaux phylogéniques sur l'austronésien permettent de reconstituer des proto-langues de façon extrêmement loin dans le temps. Et on sait qu'au moment où ces premiers arrivants austronésiens arrivent à Taïwan, à Formose, il y a déjà des mots pour pirogue et pour le balancier. Les langues ont bien sûr été souvent mises à contribution pour mettre en lumière les expansions, les migrations humaines. Qu'en est-il de la langue austronésienne ou des langues austronésiennes? Vous avez 10 groupes de langues austronésiennes différents qui ont été identifiés et 9 de ces 10 groupes ne se trouvent que à Taïwan. Et donc, il y a quand même relativement peu de chances pour que Taïwan ne soit pas une des grosses sources de ces langues. Le 10e groupe couvre tout le reste, c'est-à-dire Madagascar d'un côté et toute la Mélanésie, la Micronésie, la Polynésie de l'autre, sauf les langues papoues, bien entendu, dans le nord de la Mélanésie. Du coup, ces langues austronésiennes sont utilisées et ont été utilisées par les archéologues depuis longtemps pour essayer d'effectivement, avec des phylogénies, retrouver les proto-langues. Et la proto-langue qui a été identifiée pour la période Lapita, c'est le proto-océanique, d'où descendent toutes les langues du sud de la Mélanésie, toutes les langues polynésiennes et quasiment toutes les langues micronésiennes. Christophe Sand, qu'en est-il de la génétique ? Historiquement, ce qui a intéressé les Européens depuis James Cook, c'est quel est le lien entre l'Asie du sud-est insulaire et les Polynésiens. Les Mélanésiens, ils sont noirs, ils sont cannibales, ils sont... tout ça, ça les intéressait pas en fait. Et ça s'est retranscrit d'une certaine manière dans les études génétiques jusqu'à il y a très peu de temps. Ce qui intéressait les généticiens, c'était l'aspect asiatique des Polynésiens. Et on faisait très peu d'études génétiques en Mélanésie parce que c'était compliqué, parce que il y avait trop de diversité, etc., etc. Le deuxième aspect est un aspect simplement archéologique. C'est que vous pouvez toujours prendre tout ce que vous voulez comme échantillon génétique sur des populations vivantes, mais à cause des climats, à cause de l'acidité des sols, en fait, on est dans des situations où au bout de quelques centaines d'années, il n'y a plus d'ADN dans les ossements humains. Et donc, on a encore aujourd'hui énormément de mal dans le Pacifique tropical à même obtenir des trucs qui remontent à 500 ans au niveau des signatures ADN. Le dernier élément qu'il faut quand même préciser, parce que c'est important pour relativiser les résultats génétiques, c'est que le Pacifique a subi, comme le continent américain, l'impact microbien au moment du premier contact européen. Et donc, il y a certains endroits où entre 90 et 95% de la population d'origine avait disparu 150 ans ou 200 ans après le premier contact, après le premier bateau. Et donc, la diversité génétique aujourd'hui dans le Pacifique n'informe que partiellement sur ce qu'était la diversité génétique et donc l'histoire du Pacifique il y a encore 500 ans. Des populations donc partent de Taïwan. Or, on sait déjà, et c'est un récent papier, que vers 40 000 avant notre ère, des populations vers Timor ou la péninsule de Kara pêchent déjà en haute mer et pêchent par exemple le thon. Pour qu'il y ait le peuplement de l'Australie, de la Nouvelle-Guinée et du nord de la Mélanésie, il fallait que les gens y fassent des traversées qui dépassaient de temps en temps 100 kilomètres. Ils ont pu faire ça sur des radeaux, mais ce serait les prendre pour des idiots que de croire qu'ils n'ont pas compris que quand ils étaient en haute mer, ils avaient accès à des poissons qui étaient particulièrement gros et intéressants et qui étaient bien différents de ceux qu'ils avaient sur le bord de mer. Donc effectivement, on a une connaissance et une exploitation du milieu marin qui démarre au moment où démarre le peuplement de la partie ouest du Pacifique. Alors toutes ces populations dont vous me parlez, il y a 40 000 ans, on était en période glaciaire, on sait que les niveaux marins étaient bien plus bas, 120 mètres, voire au pire 60 mètres. Donc les distances étaient bien plus courtes de toute manière. C'est pas vrai. parce que vous avez la fosse de la Wallacea entre l'Asie du Sud-Est et Saoul. Saoul était le sous-continent qui regroupait à l'époque, effectivement, à cause du niveau marin plus bas, la Nouvelle-Guinée, l'Australie et la Tasmanie. Faut se rappeler aussi que Sunda, c'est l'ancien bloc continental qui représente aujourd'hui l'Asie du Sud-Est insulaire. Bornéo, Java, Sumatra faisaient partie du continent. C'est-à-dire que les gens, effectivement, sont allés jusqu'à la limite de Sulawesi à pied sec. Mais à partir de là, vous avez une fosse maritime qui tombe à 10 km de profondeur. Donc, ces îles-là, elles n'étaient pas énormément plus grandes qu'aujourd'hui. De même, quand vous passez de l'autre côté de la Nouvelle-Guinée, vous avez l'archipel de Bismarck. Et cet archipel de Bismarck est composé d'îles volcaniques dont certaines sont encore actives. Et ces îles, ça tombe relativement vite en mer. Et donc, du coup, les distances étaient quasiment les mêmes pour accéder de la Nouvelle-Guinée à l'archipel de Bismarck que les distances actuelles. Christophe Sand, cette expansion austronésienne semble rapide, voire peut-être même brutale. Les archéologues ont-ils émis des modèles explicatifs pour mettre en lumière cette vaste migration ? On voit qu'il y a probablement un modèle d'ordre économique au début. L'expansion de Taïwan vers le sud se fait avec des mouvements du jade, par exemple de la néphrite de Taïwan qui part vers le sud. Il y a probablement des trucs donc qui remontent vers le nord, mais l'argument économique est pas suffisant. De même que l'argument entre guillemets démographique ou politique. C'est-à-dire, il y a trop de monde dans un endroit, donc on fait de l'expansion vers plus loin, a du mal à tenir sur des distances aussi grandes. L'argument religieux, certains collègues ont parlé de messianique. Comment vous voyez ça archéologiquement ? Difficile. Ce qui est certain, c'est que on a affaire à un mouvement de population où la progression géographique est inscrite dans le code social. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Le fait de continuer l'avancée génération après génération dans un contexte qui n'apparaît pas comme un contexte violent. C'est-à-dire qu'on n'a pas affaire à des invasions en Asie du Sud-Est insulaire. On n'a pas de traces claires de violence. Donc on a plus affaire à du découvreur. Eh bien, cette avancée pour que elle continue de génération en génération, elle doit être au cœur de la société. Parce que ça veut dire concrètement que vous découvrez un endroit qui, jusqu'au sud des îles Salomon, était un endroit peuplé préalablement, et la génération suivante, il y a une partie de votre famille qui y reste, et puis il y a l'autre partie de votre famille qui part. Il faut construire des pirogues, il faut savoir qui va partir, il faut faire les rituels symboliques et magiques pour que le voyage se passe bien, etc., etc. Donc c'est toute la société qui est en fait structurée autour de cette avancée. Vers 1300 avant notre ère, les premiers groupes se fixent sur les Bismarck. Deux siècles plus tard, ils sont en Nouvelle-Calédonie. Deux siècles et demi plus tard, ils atteignent Tonga et les Samoa. C'est extrêmement rapide. Plus que rapide. Je crois que ce qui est extraordinaire dans cette aventure, c'est que en arrivant au sud des îles Salomon, donc à peu près 1000 km au sud de l'archipel de Bismarck, les gens rentrent dans ce qu'on a appelé l'Océanie lointaine, c'est-à-dire des territoires où il n'y a personne avant eux. Et ce mouvement aurait dû logiquement, parce que les gens se retrouvaient tout d'un coup confrontés à des distances de plus en plus grandes, 300, 400 kilomètres. Pour aller à Fidji, il y avait quasiment 1000 kilomètres. Ils étaient les premiers. Ils trouvaient des grandes îles. Nécessairement, si on a une réflexion d'aujourd'hui, on pourrait se dire, quand vous trouvez une île qui fait 80 kilomètres de diamètre, vous y restez jusqu'à ce qu'elle commence à être un petit peu pleine, et puis vous continuez. Là, non. À peine les gens, ils ont trouvé une grande île, que la génération d'après, certains d'entre eux, sont déjà à 200, 300 kilomètres au sud. Et donc, on a un phénomène qui se poursuit au moment où les gens rentrent dans un espace vide, et il va se poursuivre sur plus de 3000 kilomètres de distance. Et entre-temps, est apparue la signature archéologique du Lapita, qui nous permet d'être certains à 100% que, à partir du sud des îles Salomon, les premiers qui arrivent, c'est les fabricants de ces poteries bien particulières qu'on appelle les poteries Lapita. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Comment s'opèrent ces expéditions? Bon, bien sûr, on a des bateaux en pirogue, on a des pirogues avec des balanciers, mais ensuite? On a probablement des pirogues qui ne sont pas aussi glorieuses technologiquement que les pirogues polynésiennes qui sont vues 2500 ans plus tard. Il faut imaginer que probablement on est entre les deux là, on est entre le char à bœuf durant la période Lapita et puis la voiture de course avec les grands catamarans polynésiens. On a donc affaire à des pirogues qui sont probablement pas très maniables, avec des voiles qui sont des voiles rectangulaires, donc qui remontent pas bien au vent. Donc ça devait pas être des navigations particulièrement faciles. Et ça donne encore plus de crédit à l'idée qu'on a réellement affaire à des gens qui sont idéologiquement des découvreurs. Des gens qui veulent explorer aussi loin que possible. La manière dont on peut imaginer ces explorations, c'est une pirogue qui part pour découvrir des îles. Les gens, une fois qu'ils ont découvert une île ou un archipel, repèrent spatialement dans leur tête avec les alignements des étoiles, avec les courants, etc. où c'est quoi la direction, c'est quoi le nombre de jours qu'il faut. Ils reviennent chez eux et ils préparent une expédition de premier peuplement avec là des femmes, des enfants, des vieux sages, etc., etc. Et à ce moment-là, on a un vrai mouvement migratoire qui permet d'installer une colonie qui a toutes les chances de réussir son enracinement. Les îles nouvelles découvertes qui ne sont pas encore peuplées sont-elles aussi riches qu'elles le seront après avec les Austronésiens? Ce qui est sûr, c'est que partout où les archéologues ont fouillé des sites de premier peuplement en Océanie lointaine, ce qu'ils constatent, c'est que quand les premières pirogues, elles arrivent, ces îles sont naturellement des vrais garde-manger. Vous avez sur les plages des, probablement parfois des milliers de tortues. Vous avez des mégapodes, vous avez des tortues terrestres, vous avez des oiseaux à profusion, vraiment à profusion. Après, tout dépend de la taille de l'île. On voit très nettement que sur les îles de grande envergure, les gens tapent dans cette réserve, dans ce garde-manger de façon importante, mais avant qu'il y ait vraiment une déperdition de cette richesse, il faut un certain nombre de générations. Quand les gens ils arrivent sur des îles qui font 2 km de diamètre, comme les îles Apai, par exemple, à Tonga, l'interprétation archéologique aujourd'hui des fouilles, c'est que la pirogue arrive, les gens y mangent tout, c'est-à-dire que le premier niveau archéologique, il est rempli d'ossements de tortues, d'énormes coquillages, de lézards, d'oiseaux et de mégapodes, enfin bon. Et puis une fois qu'ils ont tout mangé, ils passent à l'île suivante. Et puis ils passent encore à l'île suivante. Et puis une fois qu'ils avaient vidé toutes les îles, ils ont dû se gratter la tête, ils ont dit « Bon, maintenant qu'on a vidé le frigo, il va falloir qu'on bosse. » Et une, deux, trois générations après, ils reviennent sur les îles qu'ils ont vidées et ils deviennent agriculteurs. Une chose très intéressante aussi est la circulation entre ces îles. On le voit très bien avec l'obsidienne qui vient de quelques points bien précis dans l'Océanie. Et cette obsidienne circule absolument dans tous les sens. Absolument. L'obsidienne, en fait, c'est le marqueur archéologique le plus intéressant, parce qu'il est rare, du fait que les gens sont en contact les uns avec les autres. Et en fait, si vous y réfléchissez bien, c'est parfaitement logique. Quand vous êtes une colonie fondatrice dans une île où il n'y a personne avant vous, au début, vous avez des problèmes, faut trouver de l'eau, faut planter, faut construire des maisons, etc. Mais au bout de quelque temps, il faut marier votre fille. Vous n'allez pas marier votre fille avec votre fils. Et donc, pour survivre, il faut que vous gardiez des contacts avec les autres, avec vos cousins éloignés. Du coup, le système austronésien depuis Taïwan était probablement un système en réseau extrêmement complexe où, en fait, les colonies mères gardaient des contacts avec les colonies filles. Et vous imaginez le nombre de colonies mères par rapport au nombre de colonies filles. Et du coup, on a effectivement des circulations, pas uniquement d'obsidienne, mais également de poterie, également d'autres types de roches, également certainement de gènes, qui font que, voilà, il y avait des gens qui fabriquaient des poteries Lapita, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, alors que leurs cousins au Vanuatu fabriquaient exactement les mêmes poteries Lapita. Et pourtant, ces poteries Lapita, certaines d'entre elles, ils les mettaient sur des pirogues. C'est des poteries qui font quand même 70-75 cm de diamètre et sont relativement fragiles. Et puis, ils se tapaient une traversée de 800 ou 900 km pour aller s'échanger des poteries ou aller faire des rituels avec ces poteries au Vanuatu. Et vers 950 avant Jésus-Christ, on a en fait l'obsidienne du site de Talasea qui se trouve dans l'archipel de Bismarck, donc en Nouvelle-Guinée, dont l'expansion va de Bornéo en Asie du Sud-Est jusqu'à Fidji en Nouvelle-Calédonie au Sud-Est. Et du coup, on a une expansion qui est de plus de 6000 kilomètres. Les Austronésiens, bien sûr, transforment le paysage au travers de, bien sûr, de nouvelles plantations. On cultive quoi ? On ne cultive absolument plus le riz, mais on cultive le taro. Effectivement, on a l'indication aujourd'hui, par l'étude des résidus sur les poteries domestiques, qui sont pas les poteries décorées Lapita, de la présence, il y a 3000 ans, de taro, d'igname, de bananier. On a probablement en parallèle les cannes à sucre. Alors c'est pas les taros et les ignames que vous voyez sur les marchés aujourd'hui dans le Pacifique. C'était des variétés très archaïques, donc qui probablement répondaient bien à des premières cultures, mais qui en même temps devaient être beaucoup moins nourrissantes. Et en fait, toute l'histoire de l'agriculture, dans le Pacifique, on parle plus d'horticulture que d'agriculture d'ailleurs, de plantation de jardins, va être une amélioration des techniques et une intensification de l'utilisation de l'espace. Mais cette amélioration et cette intensification, il ne faut pas les voir sur une période chronologique courte, il faut prendre en compte l'historicité du Pacifique. On a souvent la vision un peu donnée par l'image ethnographique que les gens qui ont été vus par les premiers découvreurs européens et puis ensuite étudiés par les ethnologues, c'est culturellement les mêmes que ceux d'il y a 3000 ans. C'est une aberration totale. On a une dynamique historique dans chacune des îles du Pacifique qui est absolument énorme, qui est probablement tout aussi complexe que ce qui se passe sur les continents et qui fait que, eh bien, vous avez des périodes d'adaptation, des périodes d'enracinement, des périodes d'augmentation démographique, des périodes de crise, des périodes de recherche de solutions à la crise, des périodes d'intensification de l'occupation de l'espace, des périodes de complexification politique, sociale, symbolique, etc., etc., qui font que vous avez une vraie histoire dans le Pacifique et que, il y a 3000 ans, les gens ils connaissaient pas les taraudières en terrasse parce qu'ils en avaient pas besoin. Mais les Kanaks, ils ont, vers 600, 700 après Jésus-Christ, inventé les taraudières en terrasse parce qu'ils en avaient besoin. Parce qu'on était passé d'une population probablement d'une centaine de personnes découvrant l'archipel durant la période Lapita à plusieurs dizaines de milliers, si ce n'est plus, de personnes. Nous parlions, Christophe Sand, du taro. Il y a bien sûr aussi le poulet, le chien, le rat qui s'est glissé, et puis le cochon. On constate qu'au fur et à mesure de l'avancée de ce front de peuplement austronésien à travers l'Asie du Sud-Est insulaire, en fait, les gens, en cours de route, ils récupèrent des gènes, ce qui doit faire des gosses avec les gens de l'endroit, mais ils récupèrent aussi des techniques, par exemple des techniques de pêche, et ils récupèrent des animaux domestiques ou des animaux qu'on verrait pas très bien comme domestiques. C'est le cas du cochon. Il n'y a pas de cochon à Taïwan. Le cochon, il descend probablement de la zone Vietnam à travers la péninsule de Malaisie. Et il est donc dans l'ouest de la Nouvelle-Guinée, pour faire simple, au moment où les Austronésiens arrivent et ils l'embarquent. on a en fait un ensemble culturel qui se construit au fur et à mesure et qui va prendre sa pleine mesure dans l'archipel de Bismarck il y a 3200, 3300 ans. Christophe Sand, justement, que sait-on des individus eux-mêmes? Par chance, les archéologues ont découvert une nécropole, la nécropole de Teuma au Vanuatu. Alors, le sujet est complexe. Parce que n'importe quel bon archéologue vous dirait que c'est pas avec une nécropole qu'on reconstitue toute une histoire. Mais néanmoins, effectivement, on a dans le centre du Vanuatu, les collègues australiens ont aujourd'hui découvert un cimetière. Il y a à peu près 80 individus différents qui ont été fouillés. L'étude anthropologique a été réalisée par une collègue du CNRS, Frédéric Valentin. Et un des résultats les plus intéressants, en l'absence d'ADN, c'est que l'étude des crânes, et il y a très peu de crânes parce que en fait il y avait un rituel il y a 3000 ans qui était qu'on enterrait les gens à moitié décomposés et puis que quelque temps après on réouvrait la sépulture pour systématiquement prendre le crâne et ensuite refermer en remplaçant le crâne par un coquillage ou quelque chose comme ça. Ce qui vous renvoie d'ailleurs à des traditions de trophées et de crânes des ancêtres qui sont quand même très bien connus en Mélanésie. Si je dis ça, c'est tout simplement parce que les crânes qui ont été étudiés par Frédéric Valentin ont très clairement des caractères asiatiques et donc polynésiens. Et du coup, cette communauté-là de Teuma avait très clairement un phénotype qui était un phénotype plutôt polynésien ou proto-polynésien. Avec l'arrivée de James Cook, les Austronésiens rentrent bien sûr dans l'histoire, ou du moins dans notre histoire. James Cook qui sera sûrement assassiné par un descendant des Lapita. Ah oui, oui. Les Lapita, ce n'est pas un peuple. Les Lapita, c'est une culture, c'est un ensemble culturel. Et donc, les Mélanésiens du Sud et du Centre, de même que les Polynésiens, sont les descendants des Lapita. On le sait tout simplement parce qu'il y a d'autres cimetières Lapita un tout petit peu plus tardifs où les gens ont très clairement un caractère phénotypique mélanésien. Mais pour revenir à votre image, effectivement, ce sont les descendants de ces Lapita installés à Samoa qui, quasiment 2000 ans après la découverte de Samoa, pour des raisons qui seraient trop longues d'expliquer, vont reprendre la mer avec des pirogues qui sont plus des pirogues à balancier mais des catamarans, avec des voiles qui sont plus des voiles quadrangulaires mais des voiles triangulaires qui remontent donc beaucoup mieux au vent. Et en fait, ces navigateurs qui sont devenus des Polynésiens culturellement vont explorer une nouvelle fois à très grande vitesse, en quelques centaines d'années, des distances qui vont être 2000, 2000, 3000 kilomètres. Ils vont aller jusqu'aux limites des terres que l'on peut occuper en découvrant l'île la plus isolée du monde, c'est l'île de Pâques. Comment ils ont fait, j'en sais rien. Mais je peux vous dire que quand vous avez 4 heures d'avion en arrivant de Tahiti et que tout d'un coup vous voyez à l'horizon dans votre hublot d'avion cette espèce de bout de caillou au milieu d'un océan totalement vide, vous vous dites mais comment ils ont fait pour trouver, vraiment. De la même manière, comment ils ont fait pour trouver Hawaï. Et alors, le pire de tout, pourquoi ils sont allés s'aventurer dans une direction ouest, ou plutôt sud-ouest, alors que eux, ils avançaient toujours vers l'est pour aller dans des endroits extrêmement froids et finir par découvrir la Nouvelle-Zélande Aotearoa. La découverte, l'exploration, la curiosité, on ne peut pas expliquer l'expansion humaine à travers le Pacifique sans une part d'aventure et d'esprit d'aventure de ces navigateurs. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Delphine Baudet et avec la contribution de Catherine Donnet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver sur le site inra.fr plus de 300 archives de l'émission. La semaine prochaine, le Salon Noir évoquera la vie quotidienne au temps de Néandertal.